Bonjour mes chers amis, et on entreprend le chapitre 5. On avance, il y a 24 chapitres, donc on avance tranquillement et on va regarder encore une fois qu'est-ce que Luc dit à Théophile afin qu'il soit convaincu qu'est-ce qu'il a entendu, c'est vrai. Souvenez-vous, il l'a entendu l'Évangile. Luc, il n'apprend pas des choses qu'il n'a pas entendues. Il l'a entendu l'Évangile, mais Luc veut juste lui dire, je vais te dire, après avoir parlé au témoin oculaire, qu'est-ce qui est arrivé. Et là, l'auteur va nous parler ce matin d'une, ce qu'on appelle, on a appelé souvent, la pêche miraculeuse. Il s'est passé un événement, une journée, dans la vie des disciples, qu'on appelle la pêche miraculeuse. Donc, Luc, s'il a parlé à Pierre et aux disciples, il va savoir, deux autres directement, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là de la pêche miraculeuse? Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu au contrôle de tout le monde dans lequel nous vivons. Tu contrôles les vents, la mer, les poissons, tu contrôles les oiseaux, tu contrôles tout. Tu contrôles tout. Tu fais tout ce que tu veux avec ce qu'il y a dans le monde, hein? Même les humains. On aimerait que tu nous instruises aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Luc dit à Théophile cet événement-là? C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. La pêche miraculeuse. Il faut bien comprendre ici que les disciples, ce n'est pas la première fois qu'ils entendent parler de Jésus. Ce n'est pas la première fois qu'ils le voient. Il va les appeler à le suivre, mais ce n'est pas la première fois. Jésus, on l'a vu au chapitre 4, il a une grande renommée déjà. Il se promène à travers toute la Galilée. Il fait toutes sortes de choses. Il enseigne dans toutes les synagogues qu'il rencontre. Il est allé dans la maison de Pierre hier. Il a guéri sa belle-mère. Donc Pierre n'est pas là parce qu'il ne le connaissait pas. Il va répondre à l'appel de Jésus avec les autres, mais en connaissance de cause. Ils savent qui Jésus est. Lisons ensemble chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc, c'est une expérience qui se passe dans la vie de pêcheur. Donc, pour nous autres qui sommes citadins, qui n'avons jamais fait la pêche avec le filet, c'est peut-être un peu, peut-être aussi extraordinaire que ces gens-là. J'ai eu le privilège d'être sur le lac de Génézareth. J'étais en bateau sur le lac de Génézareth quand j'ai visité Israël. C'est pas un grand lac. C'est plus petit que le lac Saint-Jean, pour ceux qui sont de Québec. Je pense que c'est 15 à 16 kilomètres de long à son plus long, puis une dizaine de kilomètres de large à son plus large. Donc, c'est pas un grand lac, mais c'est un bon lac. Et on y faisait la pêche. C'était très riche en poissons. Encore une fois, on retrouve la foule au verset 1. La foule est autour de lui. Souvenez-vous, il y a une grande renommée. Partout ce que Jésus va, les foules suivent. Et ici, on nous dit, autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ils veulent savoir ce que Jésus a à dire. Ils veulent entendre ce que Jésus a à annoncer en ce qui concerne la bonne nouvelle. Mais le terme dit, la foule se pressait autour de lui. On pousse, on veut être proche, on veut toucher Jésus comme dans d'autres événements. Parce que quand on le touchait, on avait l'espérance d'être guéri. Donc Jésus est au bord du lac, il voit Simon-Pierre, il le connaît. On l'a vu hier qu'il était dans sa maison et qu'il a guéri sa belle-mère. Donc il connaît Simon-Pierre. Il dit à Simon, en embarquant dans sa barque, éloigne-toi un peu du bord et il va enseigner. Il va enseigner la foule qu'il a. À quel sujet? Il dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, c'est ça son thème. C'est ça sa raison de prêcher. La prêcher, c'est sa prédication, c'est pas comment tu te sens, je vais t'aider à régler tes problèmes avec ta femme, je vais t'aider à régler tes problèmes avec tes enfants, je vais vous donner des trucs pour faire des moins de péchés. Non. Jésus est là et il prêche la bonne nouvelle de l'arrivée du royaume de Dieu que lui va instaurer. C'est pour ça qu'il est là. On l'a vu hier. J'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu veut régner sur un peuple. Veut régner sur un peuple. Et Jésus va instaurer le royaume de Dieu. Pour qu'il y ait un royaume, ça prend un roi, mais ça prend aussi des sujets. Donc, il va sauver des gens pour qu'ils deviennent les sujets de Dieu et qu'ils servent Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Ne faites pas de l'Évangile quelque chose de centré sur l'être humain. Il est venu me sauver que j'aille au ciel. Ça, c'est centré sur l'être humain. Ce n'est pas l'Évangile que Jésus a prêché. Jésus prêchait l'Évangile aux gens pour qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu. Qu'ils fassent partie du royaume de Dieu. Ça veut dire que, qu'ils se mettent volontairement sous le règne de Dieu. Qu'ils se soumettent à Dieu. Et le servir, l'adorer et le louer. Donc, il enseigne la foule. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler ou d'enseigner, il dit à Simon, « Simon, avance donc un peu plus profond dans l'eau. Hein? Va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Et jette le filet. » L'apôtre Pierre, il dit, « Jetez le filet. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Il semblerait qu'il travaillait la nuit. Pourquoi? Parce que les poissons ne voient pas la barque, ils ne voient pas le filet. Donc, c'est plus facile de les prendre la nuit. Là, il est en plein jour. L'apôtre Pierre, il dit, « Seigneur, toi, tu es un charpentier de métier, moi, je suis un pêcheur de métier. » En général, on ne pêche pas dans le jour comme ça. Dans le jour, on lave nos filets, on les répare, ils sont brisés, et on va faire un petit dodo. Mais il dit, « Sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. » Remarquez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas ça comme un imbécile dirait ça. Il dit ça en connaissance de cause qui est Jésus. Il sait qui est Jésus. Il sait ce que Jésus a fait. Il sait ce qu'a fait la veille ou les jours avant, qui a guéri tous les malades, qui a chassé les démons. Il sait qui est Jésus. Il sait que Jésus peut faire des choses extraordinaires, spectaculaires. Donc, il dit, Seigneur, sur ta parole, parce que tu me le demandes, je vais jeter le filet. Il jette le filet. Et le filet s'emplit de poissons tellement que la Bible nous dit ici que les filets se rompaient, les filets se brisaient tellement il y avait du poisson. Ils sont obligés de faire venir un autre bac avec d'autres personnes et ils vont remplir deux bacs pleins de poissons au point où ils s'enfoncent. Il y a un comble, je pourrais dire, de poissons. Les bacs sont remplis à rebord. Pierre, qui est un pêcheur de métier, sait que ceci, c'est quelque chose de spécial, quelque chose de miraculeux, quelque chose d'inconcevable. Il n'avait jamais vécu ça de sa vie. Il n'a pas dit, « Ah, oh, ça me fait penser à l'autre pêche qu'on avait faite l'autre fois. » Non, non, il sait qu'il s'est passé de quoi de miraculeux, là. Assez pour qu'il vienne se mettre à ses pieds. « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. » Attention, là. Allez pas plus loin que Pierre. Pierre est un pécheur. Il l'avoue ici. Je suis un pécheur. Et toi, tu es un homme de Dieu. Je crois pas qu'il voit en Jésus encore toute cette divinité-là. Je crois pas qu'il voit en Jésus encore Dieu incarné. Non. Il va le dire plus loin, lui, tout. Qui est-il? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. D'autres fois, il va dire, qui est cet homme? Ils sont pas sûrs à 100%. Ils comprennent pas. Ils voient un être humain. Mais il en a vu assez. L'événement est tellement spectaculaire qu'il dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Il comprend que l'être humain qui est devant lui, il est quelqu'un de spécial. Quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui n'est pas seulement un humain, mais un humain rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu. Il sait que Dieu est avec lui. Rappelons-nous, Luc fait ressortir plusieurs reprises, baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois ici que Jésus a fait ce miracle-là, encore une fois, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a contrôle sur la création. Le Saint-Esprit fait partie de la création, il a été à l'œuvre dans la création de ce monde. Le Saint-Esprit est Dieu et il contrôle le monde. Autant les oiseaux que les poissons, que la mer. Donc, l'Esprit qui est en lui va faire venir les poissons dans le filet de Pierre et de Jean et de Jacques. Et ils vont faire une pêche miraculeuse. Ce qu'il constate ici, c'est que cet homme-là qui est devant lui est un, je ne peux pas dire un saint homme, quelqu'un qui a une grande puissance de Dieu, quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui est plus haut que lui, plus grand que lui, plus fort que lui, plus proche de Dieu que lui. Il voit juste que lui est indigne de se tenir en compagnie de cet homme-là. Je ne suis pas digne, je suis un pécheur, retire-toi de moi, Seigneur. Et au verset 9, il dit, « Car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. » Donc, c'est l'épouvante. Il ne comprend pas tout, il ne saisit pas tout, mais il est tellement épouvanté, tellement émerveillé, tellement déboussolé, qui en perd un peu les pédales, si je pourrais dire de même. Ses paroles ne sont pas toutes pleines de sens, si je pourrais dire de même. Mais ce qu'il dit est vrai. C'est un pécheur. Tous les Juifs auraient dit qu'il était des pécheurs. Je peux dire que c'est un pécheur, mais il voit en Jésus quelqu'un de spécial. De spécial. Au verset 10, c'est marqué, « Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, associés de Simon. » Donc, il n'est pas le seul. Tout le monde a l'épouvante. Tout le monde est un peu paniqué. Tout le monde se demande, « Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? » Ils ont entendu de la part des démoniaques, « Tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Ils l'ont entendu. Mais c'est quelque chose de très... Comment je pourrais dire ça? C'est hors du commun. Pour un Juif, un être humain qui vit parmi les êtres humains, ils ne sont pas capables de concevoir que c'est le Dieu qui est dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance, qui est avec l'arche dans le temple. Ils ne sont pas capables de concevoir que le Dieu qui est là, qui est trois fois saint, qui n'est pas accessible aux êtres humains, est en train de vivre parmi eux, qui est dans le bateau avec eux autres. Ils ne sont pas capables de concevoir ça encore. Ça va prendre une intervention divine. Ça va prendre une intervention divine pour les aider à comprendre et à croire que l'homme qui est devant eux, ça va être aussi un Dieu incarné. Mais le but ici, pour Luc, ce n'est pas ça. Le but pour Luc, c'est cet homme-là faisait des miracles par la puissance de son esprit. Là, il dit, alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Tu vois, il est épouvanté, il est sous stress, je peux dire, il panique un peu. Il dit, ne crains point, Simon, Jacques et Jean, ne craignez pas. Ne craignez pas. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes maintenant. J'ai fait de toi ce matin un pêcheur. Je t'ai amené à pêcher des poissons. Tu as pris une grande quantité de poissons sur ma parole. Maintenant, j'aimerais que tu viennes avec moi et je vais faire de toi un pêcheur d'homme. Comme j'ai attiré des poissons dans ton filet, maintenant, ce que tu vas faire dans l'avenir, tu vas prêcher. Tu vas prêcher pareil comme moi, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et je vais emmener des êtres humains dans ton filet spirituel. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Pourquoi faire? Pour que ces personnes-là aillent au ciel, mais qui meurent? Non. Il dit, je vais faire de toi un. Tu vas pêcher des hommes pour qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu mon Père. Pour qu'ils fassent partie du royaume de Dieu mon Père. Pour qu'ils se soumettent au roi qui est Dieu. Pour qu'ils viennent adorer et servir notre Dieu. Ton Dieu Pierre, mon Père, mon Dieu en tant qu'être humain. Ils retournent au bord avec leur barque et ils laissent tout ça là. Il ne faut pas penser qu'ils vont laisser les poissons se gaspiller, non. L'apôtre Pierre, ce qu'on peut voir dans les Écritures, a une petite compagnie de pêche, il va prendre des hommes, va engager des hommes et des femmes qui sont là, et ils vont décharger les poissons, puis ils vont les vendre. C'était leur gagne-pain. Donc, mais ils laissent tout là, puis à partir de ce moment-là, ils vont suivre Jésus continuellement. Et vous allez voir, Luc va faire ressortir devant Théophile à plusieurs reprises. Les disciples sont là, les disciples sont là, les apôtres sont là, les disciples sont là. Il veut que Luc, que Théophile sache que les disciples maintenant, Pierre, Jean, Jacques, qui vont devenir des colonnes dans l'Église, sont des témoins oculaires de tout ce qui se passe. Ils ont vu la pêche miraculeuse. Ils ont entendu Jésus prêcher. Et ils vont prêcher le même message que Jésus. Le même message que Jésus. Pas différent. Pendant ces 3 années qui vont venir, il va les instruire. Il va leur dire, puis ils vont l'écouter. Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il annonce? Et Jésus va prêcher, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les apôtres vont dire, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ils vont faire le même message. Ils vont faire la même chose que Jésus. Et c'est ces disciples-là qui vont mettre les fondements à l'Église par l'enseignement. Nous, on est des pêcheurs d'hommes. Aussi. Mais on va utiliser les mêmes moyens qu'eux autres, c'est la parole de Dieu. Il faut faire attention ici. On n'est pas tous appelés à quitter tous nos jobs puis à devenir tout à plein temps. Non, non, on n'est pas, c'est pas de même. Mais quand on prêche la bonne nouvelle autour de nous, quand on partage la bonne nouvelle avec nos femmes, nos enfants, nos amis, nos voisins, avec nos parentés, quand on partage la bonne nouvelle, on va pêcher des hommes que Jésus va attirer, comme il a attiré les poissons dans le filet de Pierre. Par la prédication de la bonne nouvelle, il va attirer des hommes et des femmes de tous les peuples de la terre et en attire depuis 2000 ans. Il est en train de bâtir un peuple pour Dieu son Père. Notre bon Père du ciel, quelle grande vérité. Jésus est venu pour pêcher des hommes et des femmes de tous les peuples de la terre afin qu'ils se convertissent à Dieu et qu'ils croient en lui le Messie et qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Les apôtres vont le faire. L'Église va le faire depuis des millénaires. Le but par la prédication de l'Évangile, c'est de créer un peuple d'adorateurs pour Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.